c'est moi que j'arrive. Poussez-vous devant les femmes et les enfants. Les enfants. Je suis un gros dur, je suis un mec mûr. Je ne vois que moi, je ne crois que moi. Je ne suis pas très fort. Je suis taillé dans la masse. Peut-être un peu susceptible. Je réfléchis à coups de poing. Je ne suis pas né exprès. Mes parents étaient comme ça. Je me traîne sur la terre avec mes tares héréditaires. Je sais que ma femme me hait, mes enfants me haïssent, mes amis en pâtissent, mes parents me bannissent. Je réfléchis à coups de poing. Je ne suis pas né exprès. Mes parents étaient comme ça. Je me traîne sur la terre avec mes tares héréditaires.